نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc maintenant on arrive dans un nouveau chapitre dans le dars du livre de Durus min al-Qur'an al-Karim du Cheikh Salih al-Fawzan. Et le point dont on va parler aujourd'hui, c'est on rentre dans le tafsir de Sourate al-Fatiha, hein, l'explication de Sourate al-Fatiha. Donc c'est le deuxième dars dans ce livre. Le cheikh il explique maintenant, il dit Sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha, on sait que al-Fatiha ça veut dire l'ouverture, d'accord? Ou bien l'introduction ou l'ouverture. Donc le premier point c'est manzilatuha wa makanatuha. C'est-à-dire la valeur de cette sourate et son importance et son statut yani par rapport aux autres sourates dans le Coran. Le cheikh dit hadhihi as-sourah laha makanatun 'azimatun fil Coran idh hiya a'zamu suratin fihi kama anna a'zama ayatin fil Coran ayatul kursi wa li ahamiyatiha كتبت في أول المصحف ولهذا سميت فاتحة الكتاب أو فاتحة الكتاب هذا يدل على أهميتها ومكانتها لأنها قدمت وجعلت أول سورة في المصحف إلا لأهميتها. Donc c'est ce que le cheikh explique ici, il dit que cette sourate elle a une grande importance dans le Coran. Il y a un statut très, très privilégié et très grand. Car, yani, c'est la plus grande sourate dans le Coran. Comme, quand on parle de la plus grande sourate, si quelqu'un vous demande c'est quoi la plus grande sourate dans le Coran, tu peux dire la plus grande sourate dans le Coran, c'est Sourate al-Fatiha. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué, cette chose-là, yani, et ça a été rapporté dans des hadiths. Et si on vous demande, par contre, c'est quoi la plus grande ayah dans le Coran, alors vous pouvez répondre que c'est Ayatul Kursi, comme ça a déjà été expliqué également dans plusieurs hadiths. Et c'est à cause de cette grande importance qu'a cette surah, qu'elle a été placée au tout début du livre, au tout début du mushaf. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Fatihatul Kitab, hein. Et ça démontre déjà le fait qu'elle soit en premier dans le Coran, ça démontre déjà son importance et sa place importante dans le Coran. Après le chef dit الثاني حكم قراءتها في الصلاة. C'est quoi le verdict, hein, ou le jugement au sujet du fait de la réciter durant la salat. Hein? Donc le chef il explique il dit ومن أهميتها أيضا أن الله تعالى أوجب قراءتها في كل ركعة في الصلاة. Une des choses qui démontre également son importance, c'est du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toute personne de la lire dans chaque rak'a de la salat, quand on fait une salat. Que ce soit obligatoire, une salat obligatoire, que ce soit une salat yani recommandée ou yani supplémentaire. Et le cheikh dit وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب قراءتها في الصلاة وأن من لم يقرأ بها في صلاته فإن صلاته لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Le cheikh il dit que la grande majorité des ulama, jumhur, ahlul ilm, la grande majorité des ulama sont de la position qu'il est obligatoire de la réciter durant la salat. Et que celui qui n'a pas récité surat al-fatiha dans la raka'a, alors sa salat n'est pas acceptée, n'est pas valable, n'est pas correcte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, selon Ubadat ibn Samit, il dit, il n'y a pas de salat pour celui qui n'a pas lu l'ouverture du livre, c'est-à-dire Fatihatul Kitab. Hein? Le cheikh il dit, هذا في حق المستطيع لقراءتها. أما العاجز الذي لا يستطيع قراءتها لعجزه عن حفظها فإنه يقرأ ما تيسر معه من آيات القرآن غير الفاتحة. Donc le cheikh il dit ça c'est en ce qui concerne le verdict qu'on vient d'expliquer au sujet du fait que c'est obligatoire de la réciter dans chaque raka et que si tu la récites pas ta prière est pas valable. Ça c'est au sujet de la personne qui est capable de la réciter. En ce qui concerne la personne qui est incapable de la réciter, soit parce que, par exemple, il n'a pas été capable de la mémoriser. Hein? Souvent, quand quelqu'un est nouveau dans l'islam, il a uniquement une semaine ou deux ou un mois, par exemple, ça fait pas longtemps qu'il s'est converti, il n'a pas encore eu le temps de la prendre par cœur. Donc, au lieu de ça, il y a quelque chose d'autre qu'il peut faire jusqu'à ce qu'il soit capable de l'apprendre. Le cheikh il dit, il récite ce qu'il connaît du Coran autre que Al-Fatiha. D'accord? Ça c'est la première chose. Ça c'est si dans le cas où il connaît pas Al-Fatiha, mais il connaît par exemple Qul huwa Allahu Ahad ou quelque chose d'autre qui est plus simple, il peut réciter quelque chose d'autre à sa place. Et le cheikh dit ensuite, وإذا كان لا يحسن شيئا من القرآن فإنه يأتي بالذكر. يأتي بالذكر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقوله صلى الله عليه وسلم, إذا قمت إلى الصلاة فكبر, فإن كان معك قرآن فقرأ, وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. Donc le cheikh il dit, si la personne ne connaît rien du tout du Coran, alors elle doit réciter le zikr suivant. Et elle dit subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Et ça c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque tu te lèves pour la salat, alors fais le takbir, hein, tu dis Allahu akbar, et après tu récites ce que tu connais du Coran, hein, une portion de qu'est-ce que tu connais du Coran. Si tu connais rien, alors tu dis Alhamdulillah, et tu dis Allahu Akbar, et tu dis La ilaha illallah, puis tu fais le recours. Hein? Et le cheikh il dit que ça c'est ce qu'il faut faire si on ne connaît pas rien du tout du Coran, ni Al-Fatiha, ni autre chose. Et ce hadith est rapporté par Abu Dawud et At-Tirmidhi. Après il dit وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِ إلى وجوبها على الإمام والمنفرد واختلفوا في قراءتها في حق المأمون على ثلاثة أقوال. Donc le cheikh il dit que la majorité des ulama ils sont d'opinion que c'est obligatoire pour l'imam et pour la personne qui prie toute seule de la réciter. Et ils sont par contre en différence d'opinion au sujet de la réciter par rapport à la personne qui prie derrière l'imam. Hein? La personne qui prie derrière l'imam, est-ce qu'elle elle est obligée de la réciter ou non? Donc on est d'accord que l'imam est obligé de c'est obligatoire pour lui de la réciter, tandis qu'il y a une différence d'opinion entre les ulama pour dire est-ce que celui qui prie derrière l'imam, lui, est-ce qu'il doit la réciter ou non? Et le cheikh il dit que les savants ont trois positions à ce sujet-là, d'accord? La première position, al-qawl al-awwal, innaha wajibatun ala kulli musallin. Imam kana مأموما أم منفردا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عام في كل مصلين. Donc le cheikh il dit que la première position c'est qu'elle est obligatoire, c'est obligatoire de la réciter pour toute personne qui prie, qu'il soit imam ou qu'il soit derrière l'imam ou qu'il soit toute seule. Ça, il y a, pour la première, pour les gens qui défendent la première position, il n'y a pas de distinction entre les deux. Et, peu importe l'état ou la situation, que tu pries en groupe ou toute seule, ou derrière l'imam, que tu sois l'imam, tu dois obligatoirement la réciter. Il base son jugement sur le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha, alors il n'a pas de salat. C'est comme si sa salat n'est pas valable. Et il mentionne un autre hadith qui dit, وقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Donc ça c'est le hadith يعني qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani je crois que vous priez vous récitez derrière votre imam. Ils ont dit oui au messager d'Allah. Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne le faites pas excepté pour Fatihatul Kitab, c'est-à-dire pour Al-Fatiha, car celui qui ne la récite pas n'a pas de salat. Et ça, c'est un hadith rapporté selon Ubadat ibn Samit, il est rapporté par Abu Dawud dans Kitab al-Salah et An-Nasa'i dans Kitab al-Istiftah. Donc, ça c'est pour ce hadith-là. Après, il dit, « هذا مذهب الإمام الشافعي وجمع من المحدثين كالإمام البخاري وغيره يرون وجوب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد. » D'accord. Donc ça résume la première position des ulama à ce sujet-là. La deuxième position, al-qawlu thani, innaha tajibu 'ala al-ma'mum li'anna qira'ata al-imam tujzi'u 'anhu liqawlihi sallallahu 'alayhi wa sallam man kana lahu imam fa qira'atu al-imam lahu qira'ah. Walakin fi hadha al-hadith fi sanadihi maqal. Donc le cheikh il dit que la deuxième position c'est que elle est obligatoire, il est obligatoire uniquement pour l'imam de réciter Al-Fatiha, et cette position là dit que la personne qui est derrière l'imam, eh ben si l'imam l'a récité, alors c'est plus nécessaire ou obligatoire pour le reste de la réciter. Et il se base sur un hadith qui dit celui qui a un imam dans la prière, alors la lecture ou la récitation de l'imam, eh ben c'est comme ça compte pour une récitation pour lui, en voulant dire que c'est comme si l'imam a récité à sa place. Et le cheikh il dit, par contre il y a quelque chose, les savants ont parlé de l'isnad ou la chaîne de narrateur de ce hadith, et ils ont mentionné que il y a quelque chose de faible dans cette isnad, il y a quelques problèmes avec la chaîne de ce hadith, et en fait il est daïf, comme ça a été mentionné par l'imam Shawkani dans Nail al-Awtar. Et après, mais par contre, il est rapporté par Ahmad et Ibn Majah. Et dans ce hadith-là, dans la narration qu'on a mentionné, il est rapporté par Al-Bayhaqi dans son Sunan, dans Kitab al-Salah. Et il est rapporté selon Jabir. Jabir. Donc ça y est pour cette position là. Et ils se sont également basés sur un verset dans le Coran, wa idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ils se sont basés sur un verset dans le Coran, dans sourate Al-A'raf, verset 204, qui dit, et lorsqu'on le Coran vous est récité, alors écoutez et restez silencieux à sa récitation, dans le but que vous soyez et qu'on vous fasse miséricorde. La'allakum turhamun. Ça, c'est un autre argument qu'ils ont présenté. قالوا في وجه الاستدلال إن الله جل جلاله أمر بالاستماع لقراءة القرآن والإنصات والآية نزلت في شأن الاستماع في الصلاة يعني إذا قرأ الإمام فعل المأموم أن ينصت ويستمع فدلت الآية على أنه لا قراءة على المأموم لأن الإمام يقرأ لنفسه وللمأمومين وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. Donc le cheikh il dit que ils ont utilisé ce verset là comme preuve parce qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'écouter la récitation du Coran et de se taire et d'être silencieux. Et ils disent que ce verset-là a été révélé au sujet de la personne qui, yani, ou au sujet du fait d'écouter durant la salat, hein, d'écouter le Coran durant la salat. Et donc, selon eux, ça veut dire que lorsque l'imam récite, alors la personne qui est derrière l'imam, il doit se taire et écouter. Et donc, ils ont donc compris que cette ayah est une preuve et que la personne qui est derrière l'imam n'a pas à lire ou n'a pas à réciter quoi que ce soit, car l'imam a récité pour lui et pour les gens qui sont derrière lui. Et ça, c'est la position du madhab de Abu Hanifa et de Ahmad. Maintenant, le cheikh il dit qu'il y a une troisième position. Il dit al-qawlu al-thalith wa huwa qawlu al-imam Malik wa ikhtiyaru shaykh al-islam وجماعة من العلماء أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية لا يجهر فيها الإمام كالظهر والعصر فأما في صلاة الجهرية فإنها تكفي قراءة الإمام على المأموم أن ينصت ويستمع. Donc la troisième position c'est la position qui est supportée par l'imam Malik et c'est la position qui a été choisie également par Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, et un groupe parmi les ulama. Et ils disent que, donc, leur position, c'est que c'est obligatoire pour la personne qui est derrière l'imam de réciter Al-Fatiha uniquement dans la prière qui est faite à voix basse, ou dans les salats compris à voix basse, et non celle où l'imam récite à voix haute. D'accord. Et donc, par exemple, salat al-zuhr wal-asr, pour eux, dans ces deux prières-là, hein, on doit prier, on doit réciter al-fatiha en nous-mêmes, à voix basse. Mais dans les autres prières, on doit uniquement écouter et ne pas réciter. Et ils se basent là-dessus en disant, ils disent, قَالُوا وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَدِلَّةِ فَالْأَدِلَّةُ الَّتِي توجب قراءة الفاتحة تحمل على صلاة السرية وأدلة الأخرى والآية الكريمة تحمل على الصلاة الجهرية وهذا القول هو أعدل الأقوال إن شاء الله. Donc le cheikh il dit que leur position, ils ont dit que si on prend cette position là, eh bien ça, on réussit à réunir toutes les preuves qui sont mentionnées à ce sujet là. C'est-à-dire, ça réunit les preuves qui montrent que la prière de la récitation d'Al-Fatiha est obligatoire, hein, et on l'applique pour dire que ça se récite on la récite durant les prières sirriya, c'est-à-dire les prières qu'on lit pas à voix haute, ou l'imam ne se récite pas à voix haute. Tandis que les autres preuves qui montrent, yani, que on ne doit pas réciter derrière l'imam, eux ils disent que ça c'est au sujet des prières où l'imam récite à voix haute. Et donc ça c'est de cette façon là que ils ont réussi, les gens de cette troisième position là, ils croient que de cette façon ils ont réussi à réunir les différentes preuves à ce sujet là. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit que ça, c'est la position la plus juste, selon lui, et il dit Inch'Allah par la suite. Donc ça c'est un résumé très très précis et très court de la différence d'opinion qui existe à ce sujet-là entre les ulama et les arguments de chacun de ces trois positions-là. Et le cheikh, il fait le tarjih de la troisième position. Donc, yani, bien entendu, si vous êtes intéressé d'avoir plus de détails au sujet de cette question-là, eh ben, vous pouvez retourner aux livres qui ont été écrits sur le fiqh, ou bien aussi également sur les livres de hadith, comme Nailul Awtar et d'autres, pour avoir plus de détails sur ça, puis pour voir si n'y a pas d'autres explications ailleurs qui sont plus détaillées. Le cheikh dit ensuite, Asma ou Surat al-Fatiha. Quels sont les noms de Surat al-Fatiha? Il dit, هذه السورة لها عدة أسماء. كل اسم يدل على معنى. والشيء إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على فضله. Donc le cheikh il dit que cette sourate a plusieurs noms. Et chacun de ces noms-là implique une signification particulière. Et lorsqu'une chose a plusieurs noms, eh bien, ça montre sa, son mérite et sa, son importance. Donc le cheikh il dit فَتُسَمَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا تُفْتَتَحُ بِهَا كِتَابَةُ الْمُصْحَفِ. On l'appelle l'ouverture du livre, Fatiha, parce que c'est par cette sourate qu'on, qu'on ouvre l'écriture du Coran, la récitation, la lecture du Coran. Ensuite, il dit وَتُسَمَّ أُمُّ الْقُرْآنِ لِأَنَّ الْقُرْآنِ يَدُورُ عَلَى مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ هَذِهِ السُّورَةُ مِنْ مَعَانٍ فَكُلُّ الْمَعَانِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنِ وَفَصَّلَهَا فِي آيَاتِهِ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ السُّورَةُ بِصِفَةٍ مُجْمَلَةٍ. Donc le cheikh dit qu'on l'appelle également Ummul Kitab. Et si on traduit littéralement, qu'est-ce que ça signifie Ummul Kitab? C'est-à-dire la mère du Coran. Mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça signifie plutôt? Ce serait, disons que c'est la base du Coran. C'est la base du Coran. Pourquoi? Parce que c'est autour de les versets qu'ils ont dans Surat al-Fatiha, si on analyse leur signification, puis si on regarde le reste de tout ce que le Coran contient de sens et de signification dans ces versets, eh bien on trouve que toutes les significations du Coran tournent autour de ces sept versets-là dans le Coran. Et c'est même un de ces, ces noms qu'on va mentionner tout à l'heure. Le cheikh il dit par la suite, وَتُسَمَّ الرُّقْيَة. On l'appelle également الرُّقْيَة. Pourquoi? Parce que يعني, on peut l'utiliser pour يعني, comme une ruqya, c'est-à-dire on la récite sur nous-mêmes ou sur d'autres pour l'utiliser comme un remède pour une personne qui est malade ou pour exorciser, hein, etc. Le cheikh il dit, لأنها يرقى بها المريض والدليل على ذلك في الصحيح أن نفرا من الصحابة أضافوا حيا من أحياء العرب فلم يضيفوهم فلدغ كبيرهم لدغته حية أو عقرب ولم يجدوا له علاجا فجاءوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة فطلبوا منهم الرقية فقالوا إنكم لم تضيفونا وإنا لا نرقي إلا بجعل يعني بأجر فحدوا لهم قطيعا من الغنم فقام أحد الصحابة فقرأ عليه سورة الفاتحة فقام الرجل كأنما نشط من عقال فأخذوا الغنم ولكن لم يتصرفوا فيها حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا على الرسول فذكروا له القصة فقال ما أدراك أنها رقية ثم إنه قال لهم اقتسموا بهذا الغنم واضربوا لي معكم بسهم قال إن أحق ما أخذتم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أو كتاب الله. نعم. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Il dit que on appelle Surat al-Fatiha al-Ruqya parce qu'on l'utilise pour guérir quelqu'un lorsqu'il est malade. Et donc, le cheikh il dit qu'il y a des preuves de ça, et il mentionne un hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Et le hadith dit qu'un groupe parmi les Sahaba était dans une région, yani pas loin de yani là où ils étaient, ils étaient allés, et il y avait quelques Arabes, peut-être quelques tribus des Arabes dans cet endroit-là, et ils sont allés pour demander, l'hospitalité, yani, si tu veux, pour demander l'hospitalité, et ils ont refusé, c'est-à-dire ces Arabes-là, ils ont refusé de recevoir les Sahaba. Alors, un d'entre ces Arabes-là s'est fait mordre par un scorpion ou par un serpent. Alors, ils sont venus voir les Sahaba parce qu'ils n'ont pas trouvé de remède pour cette morsure-là. Alors, c'était, je crois, d'après ce qui est écrit, c'était leur chef qui s'était fait mordre. Hein? Étant donné qu'ils n'ont pas trouvé de remède, ils sont venus voir le groupe de Sahaba et ils leur ont demandé de leur faire la ruqya. Alors les Sahaba ont dit, vous ne nous avez pas accueillis, hein, vous avez refusé de nous prendre comme vos hôtes, alors à cause de ça, yani, si vous voulez qu'on vous fasse la ruqya, on va vous le faire, mais vous devez nous payer quelque chose en échange. Alors, ils ont accepté. Alors, ils ont spécifié qu'ils voulaient un morceau de chèvre. Alors, un des sahabas s'est levé et il a récité sourate al-Fatiha. Et l'homme s'est relevé comme si, comme quelqu'un quand il était attaché par une corde et qu'on l'avait détaché subitement. Il s'est levé comme ça, d'un seul coup, comme s'il n'avait jamais été mordu, après qu'on ait récité sur lui Al-Fatiha. Donc, les Sahaba ont pris la chèvre, le morceau de chèvre, et ils sont partis, mais ils n'ont pas utilisé, ou n'ont pas mangé de cette chèvre, ou n'ont pas utilisé de cette chèvre, tant qu'ils n'ont pas demandé la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَدِمُوا عَلَى الرَّسُولِ sallallahu alayhi wa sallam وَذَكَرُوا لَهُ الْقِصَّةِ. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont mentionné cette histoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais qu'est-ce qui vous avait dit que cette surah était une ruqya, qu'on pouvait l'utiliser pour guérir un malade ou bien des choses de ce genre? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, séparez-vous cette chèvre et donnez-moi une partie de la chèvre également. Et dans une autre narration de ce hadith, selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure chose, ou la chose qui mérite le plus qu'on prenne une récompense à son sujet, ou pour elle, c'est le livre d'Allah. D'accord? Et en même temps, j'aimerais mentionner un petit point à ce sujet-là, c'est que on voit que dans ce hadith-là, les sahaba ont utilisé le suratul Fatiha au sujet d'une ruqya, alors qu'ils ne savaient pas réellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas une preuve directe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que c'était une ruqya, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, et qu'est-ce qui vous avait dit, qu'est-ce qui vous avait appris que c'était une ruqya, d'accord? Et certains, parmi les jeunes bid'ah, ils peuvent essayer d'utiliser ça, des exemples de ce genre, pas seulement cet exemple-là, mais d'autres, pour essayer de justifier une bid'ah qu'ils font. Donc, ils vont chercher des exemples de certaines choses qui ont été faites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par des sahaba qu'ils avaient fait sans demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam auparavant. Et donc, ils essaient d'utiliser ça comme des preuves pour montrer que des bid'ahs sont acceptées dans l'islam ou qu'elles sont justifiées à cause de ça. Par contre, il faut répondre à ces gens-là, il faut expliquer que c'était au moment de la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Donc, lorsqu'ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur ont dit ce qu'ils avaient fait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de ce qu'ils avaient fait. Donc, à cause de ça, on dit oui, c'est une sunna dans ce cas-là, c'est pas une bid'a puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Tandis que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait réprimandé les sahaba d'avoir fait une chose pareille, là, alors là, ça n'aurait pas été accepté, on l'aurait rejeté. Hein. Et c'est pour ça que quelqu'un aujourd'hui peut pas inventer quelque chose de nouveau dans l'islam et prétendre que, yani, il fait comme les sahaba faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, hein, et deuxièmement, parce que, justement, la révélation du Coran est terminée. Le Coran, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il n'y en a plus. Donc, on peut plus savoir maintenant d'autres nouvelles choses sur la charia, la révélation est complétée. Donc, quelqu'un peut pas utiliser ces arguments-là. Et souvent, parmi les chouïrs soufis, hein, c'est ce qu'ils utilisent comme argument pour essayer de dire « Oui, mais j'ai reçu, par exemple, dans un rêve, une telle information du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'avait dit de faire telle ou telle chose. » D'accord ? Donc, ça, c'est une chose qu'il faut faire attention parce que toute personne qui prétend avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il disait, décris-moi qui tu as vu. Hein, lorsque quelqu'un venait et qu'il disait, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, les salafs, ils disaient, décris-moi qui tu as vu dans ton rêve. Parce que c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au shaytan de prendre la forme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la vérité. Excepté que, il peut prendre la forme de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le shaytan peut prendre la forme de quelqu'un d'autre, et prétendre être le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui arrive souvent à ces gens-là. Donc, quelqu'un peut voir un homme qui a une barbe et qui est habillé d'une certaine façon, et dire qu'il est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, eux, étant donné qu'ils ne connaissent pas les descriptions et les caractéristiques physiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils vont dire que oui, j'ai vu le prophète. Alors, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les salafs, ils disaient, quand quelqu'un disait j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, décris-moi qui tu as vu. Et si la personne disait la description qui était incorrecte, il disait, tu ne l'as pas vu. Hein? Donc, il répondait que il n'avait pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dans le rêve de quelqu'un pour lui dire quelque chose ou qu'il lui parle ou qu'il le voit dans un rêve faire quelque chose, eh bien, sachez que il ne va jamais venir ramener une règle ou un principe de la religion qui est contradictoire à ce qui est à ce qui a déjà été révélé, ou rajouter quelque chose de nouveau. Parce que la révélation est complète et terminée. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Al-yawmu akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam adina. Hein? Donc, c'est, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Donc, c'est complet, la religion est finie et complète. Donc, s'il vient confirmer ou raffirmer un principe qui fait déjà partie de l'islam, qui a déjà été révélé, dans ce cas-là, oui, c'est vrai. Mais si quelqu'un prétend qu'il a amené quelque chose de nouveau comme un dhikr, ou bien comme une nouvelle forme de salat, ou une nouvelle chose de ce genre, eh bien, dans ce cas-là, c'est un menteur. Ok, donc ça, c'est important de bien comprendre ça, et puis je voulais juste souligner ça, parce que c'est une shubha que ces gens-là peuvent utiliser. Un autre des noms de Surat al-Fatiha, c'est Al-Shafiyah. Hein? لِأَنَّهَا تَشْفِي بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ الْأَمْرَادِ وَتَشْفِي الْقُلُوبِ وَتَشْفِي الْأَبْدَانِ وَتَشْفِي الْقُلُوبِ مِنَ الشُّكُوكِ وَالْأَوْهَامِ وَالْوَسَاوِسِ وَتَشْفِي الْأَبْدَانِ مِنَ الْآلَامِ كَمَا حَصَلَ لِهَذَا الْلَّذِيرِ. Donc le Cheikh, il dit que on l'appelle également Al-Shafiyah, hein, c'est-à-dire celle qui guérit. لأنها تشفي بإذن الله parce qu'elle guérit par la permission d'Allah les maladies et elle guérit les cœurs et elle guérit également les corps et les cœurs de les elle guérit les cœurs de tout doute et de par exemple des tristesses ou des wasawis hein Par exemple, la déprime, la dépression, al-wasawis, c'est-à-dire les choses que le shaitan vient te souffler dans ton cœur ou dans tes oreilles pour te troubler ou te mettre des doutes ou des choses de ce genre. Et elle guérit les corps des douleurs et des malaises et des maladies, des choses de ce genre. Donc il ne faut pas hésiter de l'essayer et de l'utiliser pour se guérir lorsqu'on a un malaise ou une maladie ou un problème. Comme c'est arrivé pour cette personne qui s'est fait mordre comme par un scorpion ou un serpent, il a été guéri. Bon, ça c'est un exemple que elle est à Shafia, c'est-à-dire cette sourate, elle guérit. Elle peut guérir par la permission d'Allah. Et on l'appelle également As-Sab' al-Mathani. Hein? تسمى السبع المثاني. قال تعالى لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد بالسمع المثاني سورة الفاتحة لأنها سبع آيات ووصفت السبع بأنها مثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Donc le cheikh il dit qu'on l'appelle également السبع المثاني, les sept qui sont mentionnés, répétés constamment. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de sept versets. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans sourate Al-Hijr, verset 87, et on t'a certes donné سبع مثاني السبع المثاني سبعا من المثاني أساسي سورة الفاتحة والقرآن العظيم et le grand Coran. Et donc on se réfère ici à سورة الفاتحة et on l'appelle السبع المثاني parce que elle a sept versets comme on a dit et elle a été décrite par le terme مثاني parce qu'on la répète dans chaque raka, quand on fait la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Sa'id Al-Mu'allami, Ibn Al-Mu'alla, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est As-Sab' al-Mathani et Al-Qur'an al-Azim. Donc ça c'est des noms de cette sourate. Et on l'appelle également Watusamma As-Salah. On l'appelle As-Salah, cette sourate-là. Et le cheikh il dit, fil hadith al-Qudsi, قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ثُمَّ فَسَّرَ الصَّلَاةَ بِالْفَاتِحَة. Donc, le cheikh il dit qu'on l'appelle As-Salah, comme c'est rapporté dans le hadith Qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a il dit j'ai divisé la salat entre moi et mon serviteur en deux. Donc Allah a divisé cette salat en deux parties. Une partie c'est la glorification d'Allah et l'autre partie c'est une demande du serviteur d'être guidé, etc. Donc c'est en deux parties. Et puis après il dit que c'est donc une explication que Al-Fatiha c'est As-Salah. Dans ce hadith là on se réfère à Surat Al-Fatiha parce que c'est expliqué dans ce hadith. Donc ça c'est en ce qui concerne la question de Al-Fatiha, les noms de cette sourate, comment on l'appelle. Après le cheikh il parle du nombre de ces versets. Le cheikh il dit Adadu Ayatiha. هذه السورة هي سبع آيات بنص القرآن كما تقدم قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Donc on dit que le nombre de cette sourate le nombre de versets dans cette sourate est de sept, comme on l'a dit tout de suite, on vient juste d'en parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit et on t'a certes donné سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Et dans un autre verset, donc là le cheikh il énumère chacun des versets un par un. Il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça c'est une aya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ça c'est la deuxième. Malik Yawm al-Din, ça c'est la troisième. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ça c'est la quatrième. Ihdina as-sirat al-mustaqim, ça c'est la cinquième. Sirat al-lazina an'amta alayhim, ça c'est la sixième. Ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin, ça c'est la septième. Et le cheikh il dit que ça c'est le madhhab de al-jumhur, c'est la majorité des savants. Ils disent que son nombre est divisé de cette façon-là. Par contre, l'imam Shafi'i, lui, il est arrivé à la position que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Sirat al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin, il dit que ça c'est une seule ayah. Tandis que le Jumhur, ils ont dit que c'est deux. Deux ayahs. Ils ont divisé cette ayah en deux pour en faire deux. Donc, il y en a qui ont dit que Sirat al-lazina an'amta alayhim, c'est un verset. Et Ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin, c'est un autre verset. Donc, pour eux, ça faisait sept. Tandis que pour la position de l'imam Shafi'i, c'est le septième verset, c'est le septième verset pour eux, c'est le basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim. Eux, ils le comptent comme étant le premier verset. Et les deux derniers, ils les mettent en un seul. Donc voilà la différence de la raison de cette différence. Le cheikh dit لهذا الاختلاف يوجد في بعض المصاحف كتابة رقم أول بعد البسملة إشارة إلى أن البسملة آية من الفاتحة وفي بعضها لا يوجد هذا الرقم تبعا للقول بأنها ليست آية منها. Donc le cheikh il dit à cause de cette différence d'opinion, certains parmi les masahif, ils écrivent le chiffre 1 après le basmala, après Bismillahirrahmanirrahim. Et ils veulent montrer par là que le basmala fait partie de la fatiha. Et dans d'autres mushaf, dans d'autres copies du mushaf, on trouve que c'est pas écrit le numéro 1 après al-basmala, parce que ils considèrent que ça fait pas partie, c'est pas une ayah qui fait partie de cette surah. Donc le cheikh dit فالبسملة عند الشافعي آية من الفاتحة أما الجمهور فالبسملة عندهم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن. Donc le cheikh dit en ce qui concerne l'imam al-Shafi'i, comme on vient d'expliquer, il croit que c'est une aya, il dit que c'est une aya dans la fatiha, et la majorité des savants, le jumhur, le reste des quatre imams, ils disent que c'est pas une sourate de cette, une aya dans cette sourate. Et, ni d'aucune autre sourate. Ils disent que c'est pas un verset qui fait partie de cette sourate, ni d'aucune autre sourate dans le Coran. إلا التي في سورة النمل فإنها بإجماع العلماء بعض آيات من تلك السورة. Excepté dans sourate النمل, les fourmis, hein, les savants sont d'accord. Il y a un consensus des savants là-dessus qu'elle fait partie de cette surah dans An-Naml, et c'est dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc ça c'est dans le verset 30 dans surah An-Naml. Après il dit Amma fi ghayri dhalika fa hiya ayatun mustaqilla wa laysat khassatan bi suratin muayyana wa lidha لا يوجد في أي مصحف كتابة رقم أول على عليها في سائر السور غير سورة الفاتحة. Donc il dit que, يعني, en ce qui concerne autre que ce verset-là, on ne trouvera pas, يعني, un verset où il y a le basmala qui est écrit après lui, يعني, le verset numéro 1. Autre que cette sourate-là, à part Al-Fatiha, bien entendu, dans certaines copies. وَذَلِكَ لِأَنَّهَا آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ نَزَلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورِ. Pourquoi ? Parce que c'est une aya indépendante qui a été révélée pour diviser et pour séparer entre les sourates. ولذا يؤتى بها في أول كل سورة إلا في أول سورة براءة. Elle vient pour séparer chaque sourate, excepté dans sourate al-Bara'a, c'est-à-dire sourate Tawbah. لأنها لم تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة كما نزلت عليه في بقية السور. Pourquoi elle n'est pas partie de, elle n'est pas au début de Tawbah, sourate Tawbah ou Bara'a, parce que justement elle n'a pas été révélée au début de cette sourate comme pour les autres. وقيل في تعليل ذلك إن براءة مكملة لسورة الأنفال. Certains ulama ils ont expliqué ça en disant que sourate Tawbah elle vient compléter sourate Al-Anfal, celle qui était avant. Donc étant donné que certains ulama disent que c'est la suite, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de basmala entre les deux. Et il y en a d'autres qui disent وقيل إنها نزلت بالسيف والعذاب وافتتحت بالبراءة فلا يناسب تقديم ذكر الرحمة عليها والله أعلم. Le Cheikh dit parce qu'elle a été descendue, elle a été révélée ou descendue par l'épée et le châtiment. Et donc elle a été ouverte, on commence ce verset-là en parlant de Bara'a, parce que le verset commence par Bara'atun minallahi wa rasulihi. Donc c'est un désavouement. Hein. Donc ça, étant donné qu'on parle de ce thème-là, dans cette surah, eh bien, ça correspondait pas réellement avec la miséricorde dans ce sens-là. Alors, certains ulama ont dit que ça, c'est peut-être une explication pourquoi on n'a pas mentionné le basmala. Wallahu a'lam. Le Cheikh dit Wallahu a'lam. Après, il dit Sharh al-Isti'aza wal-Basmala. L'explication de al-Isti'aza wal-Basmala. Le Cheikh, il dit Amma a'ouzu billahi min ash-shaytan ar-rajim. فهي قطعا ليست من الفاتحة وإنما يؤتى بها أو يؤتى بالاستعاذة عملا بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية قراءته من أجل أن يتحصن من الشيطان فلا يشوش عليه قراءته. Donc le cheikh il explique et il dit que en ce qui concerne le fait de demander la protection ou de demander le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan, eh ben le cheikh il dit que ça c'est certain que ça ne fait pas partie de sourate al-Fatiha, mais on l'utilise, on le dit avant de réciter al-Fatiha parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans sourate al-Nahl, lorsque tu récites le Coran, cherche le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan al-rajim. Après il dit donc le musulman lorsqu'il veut réciter le Coran, il doit chercher refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan au début de sa lecture dans le but de se protéger et de faire une barrière contre le shaitan pour pas qu'il le dérange durant sa récitation. Après le cheikh il dit ومعنى أعوذ ألتجئ إلى الله وأحتمي به من هذا العدو فالعوذ والالتجاء إلى الله من فالعوذ هو الالتجاء إلى الله من الشيطان. Donc le cheikh il dit quand tu dis en arabe أعوذ, ça veut dire ألتجئ إلى الله, c'est-à-dire je me retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et أحتمي به, je cherche sa protection contre cet ennemi. فَالْعَوْذُ هُوَ لِلْتِجَاءُ إِلَى اللَّهِ. Donc, al-'awdhu, c'est de chercher refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaytan. Et le shaykh dit, وَالشَّيْطَانِ أَلْمُرَادُ بِهِ كُلُّ مَارِدٍ عَادَتْ عَلَى مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنْ وَالدَّوَابِ مِنْ شَاطَ الشَّيْءِ إِذَا اشْتَدَّ أو من شطنه إذا بعده لأن الشيطان بعيد من الخير. Donc الشيطان, le cheikh il dit que ça signifie toute chose qui s'est détournée, toute personne mauvaise ou toute chose mauvaise, comme que ce soit parmi les hommes ou parmi les djinns ou parmi les bêtes, hein, les animaux, c'est pas nécessaire que ce soit uniquement un djinn. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les shayatins, les diables, sont uniquement des djinns, mais c'est faux parce qu'il y a également des shayatins parmi les hommes, comme Allah il le dit dans le Coran, et il y en a parmi les djinns, et il y en a même parmi les animaux également. Donc, ça vient de, soit de shata, shata shay, si quelque chose est devenu dur, ou bien shapana, si une chose est éloignée. Hein? Et donc, toute chose qui s'est éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors on l'appelle shaytan, que ce soit un djinn ou un être humain, toute chose qui s'éloigne du bien, c'est un shaytan. Et toute personne qui appelle au mal, eh bien lui aussi c'est un shaytan. D'accord? Après le cheikh il dit, Ar-Rajim, fa'ilum bima'na maf'oul, ay al-marjoum, li'an shaytan, ترجم بالشهب من السماء فلا يسترق السمع وترجم كذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que ar-rajim, qu'est-ce que ça signifie? C'est fa'il bima'na maf'oul. On dit que c'est sur la forme de fa'il avec la signification du maf'oul. Hein? Fa'il en général c'est pour yani le sujet. Tandis que il est souvent utilisé avec le sens de l'objet, de la chose à laquelle on, à la chose à la, qui subit l'action, au lieu de celui qui le fait, d'accord? Et dans ce sens-là, on dit ar-rajim, mais ça signifie plutôt al-marjoum. Qu'est-ce que ça veut dire al-marjoum? Ça veut dire celui qu'on lapide, celui qu'on lapide. Et il se fait lapider de différentes façons. Il se fait lapider par les étoiles filantes dans le ciel, et il se fait la raison pourquoi il se fait lapider, c'est pour pas qu'il vole des informations dans le ciel, comme c'est expliqué dans le Coran. Et il y a une autre explication également, c'est qu'il se fait lapider par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il l'entend. فالشيطان مرجوم بمعنى أنه مطرود ومبعد عن الخير مبعد عن الخير فالمسلم يعتصم بربه ويلتجئ إليه من هذا الشيطان لئلا يضره ويستعيذ به من همزه ونفخه ونفثه وهكذا ورد في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que il est matrout, le shaitan, il est rejeté, il est repoussé, et il est éloigné du bien. Et le musulman, il doit donc chercher en Allah subhanahu wa ta'ala la protection et le refuge contre ce shaitan, pour pas qu'il lui nuise, et pour pas qu'il lui fasse du mal, et donc le cheikh dit, il cherche protection contre le shaitan, min hamzihi wa nafrihi, contre ses souffles, contre ses suggestions, etc. Et le cheikh il explique que al-hamz, c'est, comme il l'a dit, c'est le fait de se faire posséder par un djinn, hein, as-sar'u. Le cheikh il dit wal-hamzu al-murad bihi as-sar'u li'anna ash-shaytan yasra'u l'insan ahyanan fayajunna wa yatakhabbat. فإصابة الجنون من هذه الجنون هذه من الشيطان فقوله تعالى الذي يتخبطه الشيطان من المس والمراد به السرع. Donc le cheikh il dit que al-hamz dans ce hadith ou dans les paroles qui ont été rapportées au sujet du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il cherchait la protection d'Allah, il a dit min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Al-ham, c'est le fait de posséder, qu'il essaie d'entrer dans le corps d'une personne. Wa nafrihi, c'est son souffle. Wa nafrihi, c'est al-nafat, c'est quand tu souffles avec ta bouche. Donc, il dit que al-ham, la signification de ça, c'est le fait que le shaitan, il essaie d'entrer dans certains êtres humains, puis il le fait faire toutes sortes de choses qu'il ferait pas normalement. Et c'est possible que ça arrive, mais c'est les djinns qui font ça. C'est-à-dire c'est les shayatines parmi les djinns qui font ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Baqarah, le verset 275, « Alladhi yatakhabbatu shaytanu minal mas » Celui qui se fait toucher par le shaytan, « yatakhabbatu shaytan » Et ça, ça a rapport avec le fait qu'il peut entrer dans le corps d'une personne et puis le posséder et lui faire faire toutes sortes de choses qui sont mauvaises pour lui. فالشيطان يداخل الإنسان ويجري منه مجرى الدم ويسرعه أحيانا فإذا لم يحمه الله منه فإنه يؤذيه بالوساوس والأوهام والسر. Donc le cheikh il dit que le shaitan, il peut entrer dans l'être humain et il coule à l'intérieur de l'être humain comme le sang coule à l'intérieur de nous. Il circule à l'intérieur de nous comme le sang circule. Et parfois, il peut même essayer de prendre le dessus sur l'être humain. Yasra'ahu. Et as-sar, ça donne l'impression également du terme comme de lutter. Hein. Donc, il peut essayer de lutter justement contre toi-même pour essayer de prendre contrôle de ton corps. Et ça, ça peut arriver. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas protégé, فَإِنَّهُ يُؤْذِيهِ بِالْوَسَاوِسِ وَلَوْهَامِ وَالسَّرْ. Donc le shaitan, il peut venir, si tu n'es pas protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, le shaitan, il peut venir et venir te soupirer ou te suggérer toutes sortes de choses, te déprimer et même essayer de prendre contrôle de toi. وَالنَّفْخُ مَعْنَاهُ الْكِبْرُ. النَّفْخُ, ici, il explique le shaykh, il dit que c'est الْكِبْرُ. لأن الكبر من الشيطان. Le fait qu'il souffle, dans le sens qu'il te gonfle, hein, essaie de te gonfler de fierté. وهو الذي ينفخ في الإنسان. Donc le shaitan, il vient et il souffle en toi quelque chose de la fierté pour que tu deviennes fier, etc. Et النفس, Cheikh il dit que c'est الشعر. Que c'est le poème. والشعراء يتبعهم الغاوون. Les شعراء, les poètes, c'est les égarés ou les déviés qui les suivent uniquement. فالشعر من نفس الشيطان. D'accord? Donc, il dit que le poème, ça vient de qu'est-ce que le shaitan a soufflé. إلا ما كان من الشعر الطيب النزيه فإنه ممدوح. Excepté, par exemple, un poème qui est quelque chose qui mentionne quelque chose de bien. Dans ce cas-là, oui, c'est glorifiable. Comme par exemple, Hassan ibn Thabit, c'était le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il écrivait souvent des poèmes, ou il récitait souvent des poèmes pour réfuter et pour répondre aux attaques des mouchriquines et pour les attaquer également, et pour défendre l'islam et défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce sens-là, il y a des poèmes qui sont blâmables, il y a des poèmes qui sont acceptés et glorifiés. Mais quand c'est des poèmes mauvais, c'est le shaitan qui les inspire et qui les insouffle en la personne. C'est pour ça que le shaykh il dit que, dans ce sens-là, un nafs, c'est un shi'r, c'est le poème. Qu'est-ce que je voulais dire également, c'est que on voit souvent, Yanni, que des auteurs ou des poètes ou des gens comme ça, ils ont réussi à écrire des choses et puis ils sont devenus célèbres à cause de leurs poèmes. Puis tu rends compte que la plupart de ces poèmes, de ces poètes, ils ont vécu des vies de débauche et de désordre et toutes sortes de péchés, hein, ils sont entourés de haram. Et souvent, on remarque que c'est des gens qui écrivent sous l'état de d'intoxication, yani. Par exemple, lorsqu'ils ont bu de l'alcool ou lorsqu'ils ont pris une drogue quelconque, et là, ils se sentent inspirés d'écrire des trucs, hein, d'écrire des poèmes, et, ou bien même d'écrire des romans ou d'autres trucs de ce genre. Et là, ça nous montre en fait que ça confirme exactement le fait que ça vient du shaitan, puis c'est le shaitan qui les inspire à faire ça. Après, il dit, le cheikh, il dit, قال صلى الله عليه وسلم, إن من البيان للسحرة. Hein, parmi, يعني, des fois, le fait de s'exprimer, de s'exprimer très bien, c'est comme, c'est presque comme de la magie. Hein, c'est ça qu'il dit dans son, dans cette parole. إن من البيان للسحرة, وإن من الشعر حكما, أو حكما, حكما. نعم. نعم. نعم. C'est ça. Du fait que parfois une personne soit très éloquente et il arrive à bien s'exprimer, eh ben c'est presque comme de la magie, hein. Et dans le poème, il y a parfois des sagesses. Donc c'est, ça c'est dans un hadith, c'est rapporté selon Ibn Abbas et c'est dans rapporté par l'imam Ahmad et par Abu Daoud également. Donc inna min al-bayan ila sihra. Après il dit walakin ghalib al-sha'r fa innahu sayyi'un wa annahu min nafath ash-shaytan wa qila al-murad بنفثه السحر قال تعالى من شر النفاثات في العقد. Donc le cheikh il dit que la plupart des poèmes par contre sont mauvais et ça fait partie de qu'est-ce que le shaitan a soufflé. Et il dit que également une autre signification pour an-nafth c'est as-sihr, c'est-à-dire la magie, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Falaq min shar an-nafathat fi al-'uqad, contre le mal de, des gens qui soufflent sur les nœuds. Hein, ça, c'est une forme de magie que ces gens-là utilisent. Ils font des nœuds, puis ils soufflent dessus, et sur ces nœuds-là, ils mettent des malédictions, ou des, ils mettent des sorts, ils récitent des sorts pour faire du mal à quelqu'un. Comme c'est arrivé déjà, même pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le juif avait essayé de l'ensorceler, il avait soufflé sur un nœud ou quelque chose comme ça. C'était, je me souviens plus si c'était un homme ou une femme, Allahu a'lam, mais quelqu'un lui avait jeté un sort. Après, Ali ibn Abi Talib l'avait trouvé, puis il avait dénoué le nœud, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été soulagé. Après, il dit wal-isti'azatu mustahabbatun qabla al-qira'ati fi as-salati wa fi ghayriha liqawlihi ta'ala فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا مطلق تدخل في حال الصلاة وغيرها. Donc il est recommandé de réciter al-isti'adha, de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala avant la salat et en dehors de la salat également, durant la, à l'intérieur de la salat et à l'extérieur, parce que l'ordre dans le Coran est indéfini. C'est-à-dire, c'est pas spécifié que ce soit pour le moment où on est dans la salat ou à l'extérieur de la salat. Donc, dans ce cas-là, c'est quelque chose de, qu'on doit faire ou qui est bien de faire, peu importe qu'on soit dans la salat ou à l'extérieur. Et le cheikh dit, Bismillahirrahmanirrahim, al-ba'u lil-isti'ana, wa fihi fi'lun muqaddar, taqdiruhu asta'inu bismillah. أو أتحصن بسم الله واسم الله مفرد مضاف يعم جميع أسماء الله تعالى فتقول أتحصن وأتبرك بأسماء الله سبحانه وتعالى لأن أسماء الله تبارك وتعالى مباركة. قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Donc le cheikh il dit que الباء dans Bismillahir Rahmanir Rahim, le ba au début, c'est pour al-isti'ana, c'est-à-dire je cherche l'aide en Allah. Et donc il y a un verbe qui n'est pas mentionné, qui est muqaddar, hein, qui est sous-entendu, et quand on le, si on le mentionne, ça dit ou ça donne le sens de je recherche l'aide en le nom d'Allah. Hein, je cherche l'aide ou je demande de l'aide en le nom d'Allah, ou par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, je cherche refuge ou protection en le nom d'Allah. Donc ça ce serait le verbe qui est pas mentionné mais qui est sous-entendu lorsque tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ou bien dans ce cas-là, c'est dans ce sens-là, sinon quand on dit Bismillah avant de faire quoi que ce soit, on dit par exemple Bismillahi akul ou Bismillahi ashrab, en le nom d'Allah je bois, en le nom d'Allah je mange ou des choses de ce genre, c'est un verbe qui est pas mentionné mais qui est sous-entendu même si on le dit pas. Après il dit que tu prends également le mot Allah, quand tu dis Allah, ça c'est un mot singulier, yani, qui implique tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si tu disais, lorsque tu dis Bismillah, c'est comme si tu disais je cherche protection et bénédiction en tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bénis, donc quand tu mentionnes son nom et quand tu commence par quelque chose en commençant par mentionner son nom, eh ben c'est une source de bénédiction, une source de baraka. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit tabaraka ismu rabbika dhul jalali wal ikram, béni soit le nom de ton Seigneur, celui qui possède la majesté et la grandeur et la noblesse, etc., la générosité, etc. Donc ça c'est un exemple des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur bénédiction. Et le prophète Cheikh dit wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana fi du'a al-istiftah yaqul tabarak ismuk, dans le du'a avant de commencer la salat, lorsque tu fais le takbir, tu fais un du'a al-istiftah, et tu dis tabarak ismuk, donc glory, béni soit ton nom. فاسم الله مبارك وأنت تتبرك بأسماء الله فقولك بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف أي أتبرك وأستعين بسم الله. Donc quand tu dis بسم الله ici, donc c'est comme si quelque chose qui est pas mentionné, qui est sous-entendu, mais que tu dis, ça veut dire je cherche la bénédiction et je cherche le refuge en le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Allah alamun ala al-ilah al-ma'bud al-haq wa huwa min a'zami asma'illah subhanahu wa ta'ala wa Allahu ma'nahu al-ma'luhu al-ma'bud wa man aliha min aliha ya'lahu idha 'ubida fa huwa al-ma'bud subhanahu wa ta'ala wal maqsud fi kulli haja. Donc le nom de Allah, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, c'est un nom propre à Allah subhanahu wa ta'ala pour désigner Al-Ilah, c'est-à-dire celui qui est adoré en vérité. Et c'est parmi les plus grands noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa signification, ça signifie Al-Ma'luhul Ma'bud, celui qu'on adore, celui qu'on adore ou qui est adoré. Et ça vient du verbe Aliha Ya'lahu, lorsque quelque chose est adoré, il a ubid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui est adoré en vérité et celui qu'on, vers qui on se tourne dans tous nos besoins. Et le cheikh il dit par la suite Ar-Rahman ismun min asma'illah yatadammanu sifatan min sifatihi wa hiya ar-Rahma. Ar-Rahman c'est un des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui comprend l'attribut de la miséricorde, il comprend l'attribut de miséricorde. Wa ar-Rahim kadhalika, ar-Rahim c'est la même chose, il implique et il comprend également l'attribut de miséricorde aussi, c'est-à-dire de Rahma. Donc par contre il y a une petite nuance subtile ici. Le cheikh dit ar-Rahman wa ar-Rahim min asma'ihi wa ar-Rahma min sifatihi وكل اسم من أسماء الله جل وعلا وكل من أسماء الله جل وعلا فإنه يتضمن صفة من صفاته. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن ذو الرحمة والعامة لجميع المخلوقات، أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. donc le cheikh il dit que Ar-Rahim, c'est un des noms qui implique l'attribut de miséricorde. Et pour comprendre un peu comment ça fonctionne la question des noms et des attributs, c'est que chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, la signification de ce nom-là, c'est en réalité l'attribut. D'accord ? Donc lorsque tu dis Ar-Rahman, le tout miséricordieux, eh bien ça implique qu'il a l'attribut de Ar-Rahman. Quand tu dis Al-Alim, ça implique qu'il a l'attribut de le savoir ou de connaissance, c'est-à-dire Al-Ilm. Donc dans le nom d'Allah, c'est la signification qui représente l'attribut. D'accord ? Et c'est pour ça que les Mu'tazila, eux, ils ont nié les attributs d'Allah, et c'est pour ça qu'ils disent que les noms d'Allah sont tous des noms propres qui n'ont aucune signification. Donc ils nient la signification, ou ils nient que le nom d'Allah puisse avoir une signification, justement parce qu'ils ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence qu'il y a entre le nom d'Allah Ar-Rahman et Ar-Rahim, le cheikh il dit que une des différences, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui possède Ar-Rahma. Ar-Rahman, c'est celui qui possède la miséricorde pour toutes ses créatures, hein. Ar-Rahman, sa miséricorde s'adresse à toute la création en entier, les êtres humains, les animaux, les choses, les musulmans et les non musulmans. Ça, c'est, disons que c'est une miséricorde qui est générale, hein, qui se retourne à ce nom-là, et ça s'applique à sa personne, c'est-à-dire Ar-Rahman, c'est-à-dire celui qui est miséricordieux en lui-même, et donc ça fait partie de ses attributs, des attributs qui font partie des attributs de son être. Par contre, Ar-Rahim, c'est un attribut, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a rapport spécifiquement avec ses actions, hein, et dans le sens qu'il envoie sa miséricorde sur qui il veut parmi ses créatures, et c'est particulier pour les croyants. Quand on parle de Ar-Rahim, c'est celui qui il est miséricordieux particulièrement pour les croyants, et c'est pour ça que dans les versets dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il est Rahim, il dit, ça a toujours rapport avec ses actions et ça a toujours rapport avec les croyants en particulier. Comme il dit dans Sourate Al-Ahzab, le verset 43, wa kana bil mu'minina rahima. Allah subhanahu wa ta'ala est certes miséricordieux envers les mu'minin. Hein? Donc ça c'est un des exemples. Combien de temps il nous reste? 10 minutes. Donc on va commencer un petit peu encore. Il reste 10 minutes, il reste pas beaucoup de temps. Ok. Donc le cheikh dit tafsir ayat al-Fatiha. L'interprétation des versets de al-Fatiha. Moi je crois que ce serait peut-être préférable de s'arrêter ici pour que on n'est pas à revenir là-dessus la prochaine fois, puisque c'est presque terminé. Puis on reviendra, on continuera la semaine prochaine. Attendez un instant. Naam. Ouais, d'accord. Je crois que c'est préférable de s'arrêter ici, d'accord. Puis on continuera la semaine prochaine, là où on est arrivé, Inch'Allah. Et déjà, on a fait le plus important, disons qu'on a fait l'introduction de l'interprétation de Sourate Al-Fatiha, et la semaine prochaine, vendredi prochain, Inch'Allah, on va rentrer réellement dans Al-Fatiha, le premier verset, commencer à donner l'explication de ce verset-là, verset par verset, puis Yanni, après... Vous allez voir, c'est très intéressant, inshallah. Donc, je vais m'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et que Allah subhanahu wa ta'ala rende ce dars bénéfique pour chacun d'entre nous. Et qu'il nous augmente en connaissance et en piété. Et jazakumullahu khayran. Wa zadakumullahu hirsan. Donc je vous laisse mes frères et puis mes sœurs, et puis à la semaine prochaine, Inch'Allah.